Ok, yeah. Mec, j'ai les crocs, je marche par mes mots. Sur ce son, je vais vous rendre accro. Je sais ce que je vaux et j'ai ce qu'il vous faut. Trop de rage dans ma voix, ainsi que dans mes propos. Oh, yo mec, vas-y, trinque. Pendant que je brûle le mic et le beat, je le flingue. Chauffe la cuillère et prépare la seringue. Une injection de Gucci pour vous rendre dingue. Mate la maîtrise que j'ai sur ces prises. C'est un one shot, mec, il faut pas taper ta crise. L'instru, je lui ai mise et tu sais ce que je vise. Une mise à la menthe pour que les MC me prisent. La rue, je la vis, la construis, la détruis. Jusqu'à l'infini, mes écrits, je l'écris. Et oui, Sarkozy, c'est ici mon pays. Et si ça plaît pas, nique ta mère en Hongrie. Devine qui, c'est qui débarque, qui nique la répression. Qui c'est qui déboule dans la session et qui fout la pression. C'est tout dit, mais c'est flex, pas là pour plaisanter. Featuring Kevin, y'a le microphone là pour représenter. Devine qui, c'est qui débarque, qui nique la répression. Qui c'est qui déboule dans la session et qui fout la pression. C'est tout dit, mais c'est flex, pas là pour plaisanter. Featuring Kevin, y'a le microphone là pour représenter. Combien de départs à zéro, combien de consultations de soldes à zéro, combien de remises à niveau, combien de poignées de main à l'illicite à travers le bédo. Lié avec ma clique, c'est même ego, même mago, même micro. Le titre c'est la pression, à vue de réussite. Quand mes idées ont de la suite, quand mes écrits finissent en beat. En compagnie de mes acolytes, acoliques, la pression. Quand j'suis ma propre politique, en featuring avec tout type. Un écrit pour notre société, hip-hop, infanterie. Grande gueule ouverte, j'ai pas la bouche cosy. Attitude, tête dans la lune, pied sur le bitume. L'esprit a jamais fixé sur les thunes. C'est qui débarque, qui nique la répression. Qui c'est qui déboule dans la session, ouais, qui fout la pression. C'est tout dit, mais c'est flex, pas là pour plaisanter. Featuring Kevin, y'a le microphone, là pour représenter. Devine qui, c'est qui débarque, qui nique la répression. Qui c'est qui déboule dans la session, ouais, qui fout la pression. C'est tout dit, mais c'est flex, pas là pour plaisanter. Featuring Kevin, y'a le microphone, là pour représenter. Vas-y zoom, loin de boom, comme dans Half-Life. Tout dit et Kevin, ça fait boom, sur la hi-fi. Cherche pas, y'a pas de faille, notre son est blindé. On suce pas, fuck les majors, 100% indé. Qu'est-ce que tu connais au rap, qu'est-ce que tu sais de ma vie. Le son ma thérapie, je soigne mes mentales maladies. Je me chauffe sur mélodie, j'irai jusqu'à l'OD. Vas-y pose ton zoo, t'as fait l'XNS, sont là pour piloter. Suicidaire, t'attaquer à nous, mec t'es qu'un moustique. On règle nos affaires avec du duct tape et un boom. Stick audiophonique, j'ai la dalle, mec en gros faut que je nique ce business. Avec des prouesses microphoniques, et comme dans Furio. On baise le beat comme des furieux, comme des dominos. Fais tomber tous les curieux, sérieux. Frotter à nous, mec c'est périlleux. Cherche pas la merde, ou on te S-U-R-I-N. C'est qui débarque, qui nique la répression. Qui c'est qui déboule dans la session, ouais qui fout la pression. C'est tout dit, mais c'est flex, pas là pour plaisanter. Featuring Kevin, y'a le microphone, là pour représenter. Devine qui, c'est qui débarque, qui nique la répression. Qui c'est qui déboule dans la session, ouais qui fout la pression. C'est tout dit, mais c'est flex, pas là pour plaisanter. Featuring Kevin, y'a le microphone, là pour représenter.